Dis-là, on est toujours là. Pour les frères, pour la MIFA. Ika A de L, TLM. Thug Life Forever. Mets-toi bien. Pour la vie, on est là. Pour la famille, on est là. Mon club dans la tête, on est là. Dans la haine, on est là. Comme le journal de la veille. Vous promets une, j'ai pas tendu le rap, surtout pas Corneille. Ika A de L, y'a pas plus criminel. L'amitié est sacrée pour mes youths, c'est une bonne nouvelle. Je fier son rebelle, je serai son bachar à la salle. Rafale en pleine tête, comme mon bâtard à la salle. J'suis en mode cardio, de Marrakech à Bruxelles. On fait plein de gros, c'est grand nouveau radio. J'oublierai jamais les frérots qui me poussaient des ballots. Qui a cru qu'en 2013 nos plans tomberaient à l'eau. Non mais à l'eau, quoi. Le rap français sans TLF, c'est comme le PSG, sans les Qataris, quoi. On croise pas les doigts, on croise le fer, croise le fer. On croise pas les doigts, on croise le fer. Pour la vie, mon frère, on croise pas les doigts, on croise le fer, croise le fer. On croise pas les doigts, on croise le fer. Jusqu'à la mort, mon frère. Pour la vie, on est là. Pour la famille, on est là. Dans la tête, on est là. Hardcore, cool, rythme oriental, escalorifte, Tajinos, olives, choukale, DJ Hamida pour l'ambiance, ou Biggie, c'est calé, de pas chaque club, j'suis plus calé, les jaloux sont recalés, DT sur le polo, bien serré pour les mecs balèzes, son DT fait péter ça dans le dernier M6, Flek Empire prend le contrôle, roule avenue Mohamed 6, tout se passe pas ici, l'animal est sorti, Mandarin des Rainbow, chicha monte avec Rurty, wesh grosse langère, public averti, Marrakech trop frais, nono dans la partie, qui même me suivent, on positive, les billards qui veulent, laisse les esquives, les hasses sont salives, attitude primitive, en cas d'embrouille lessive, réaction instinctive. Pour la vie, on est là, pour la famille, on est là, dans le club, dans la tête, on est là, dans la haine, on est là. Masha'Allah.